se recommandent mutuellement la vérité, et forcément celui qui recommande la vérité, il subira du mal. Donc il lui demandait la patience. La patience avec ses trois catégories. La patience dans l'obéissance à Allah. Faire salat, ça demande de la patience. Sortir de chez toi, te rendre à la mosquée. Tout ça demande de la patience. La patience dans le délaissement du péché, ça demande de la patience. Délaisser ce que nafs aime parmi les différentes catégories de péché, ça demande de la patience. Et également la patience face aux décrets amers, les décrets d'Allah qui ne convient pas à notre nafs, tels que le fait d'être touché par des épreuves et des catastrophes, et la perte de proches, la pauvreté, les épreuves dans sa santé, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que le nafs n'aime pas, mais le degré minimum et le degré obligatoire, c'est de patienter. La patience qui veut dire empêcher sa langue de rejeter le décret d'Allah et empêcher ses membres de montrer une forme de rébellion contre le décret d'Allah. Notamment en se griffant le visage et en déchirant les vêtements et en arrachant les cheveux, comme font des gens, yani, après la mort d'un proche, yani, dans certaines sociétés, ils font ainsi, et ça c'est une pratique anti-islamique, qui continue dans certaines sociétés. Tout ça, l'islam l'a interdit. Il a ordonné la patience. Après, il y a un degré supérieur à la patience, c'est le degré de rida, la satisfaction. Qu'est-ce que signifie ce degré? Parce que quand on entend rida, on pense que c'est facile. Déjà la patience, c'est brûlant. C'est un degré brûlant. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَالصَّبْرُ ضِيَاءُ الصَّبْرُ » C'est comme une lumière contenant une chaleur. Ça brûle. Patienter, c'est brûlant. Retenir, empêcher, emprisonner, c'est ça l'essence de la patience. Empêcher sa langue, empêcher ses membres et empêcher son cœur également d'avoir une mauvaise pensée vis-à-vis du décret d'Allah. Pourquoi j'ai été touché par ça? Je suis dans l'obéissance pourtant et Allah il m'éprouve. Et mon voisin, il est dans les péchés, Allah ne l'a pas éprouvé. Ne sais-tu pas, ya akhi, qu'Allah éprouve le serviteur plus il l'aime. Et l'épreuve du croyant est un bienfait pour lui dans l'au-delà. Allah ordonnera qu'on verse sur lui la récompense sans compter. Ce jour-là seulement, ce serviteur, il souhaitera, si seulement les épreuves dans le dunya étaient plus fortes et plus nombreuses, car chacun obtiendra sa récompense d'une manière comptée, excepté les gens de sabr, les gens de la patience. إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. On leur donnera leur récompense sans compter. Allahu Akbar. Mais ne demande pas à Allah la patience. Ne demande pas à Allah de t'accorder la patience. Demande à Allah de te préserver des épreuves. Demande à Allah de te préserver de l'épreuve et de te faciliter tes affaires. C'est tout ce que tu dois demander à Allah. Tout le temps. Car si Allah il te donne la patience, il te donnera l'épreuve adéquate à cette patience. Et plus il te donnera de patience, plus il t'augmentera dans les épreuves. Mais demande à Allah d'être préservé. Demande à Allah l'afia. Pas l'afia des Marocains, qui signifie le feu. L'afia dans la langue arabe. Et l'afia aussi, dans sa signification le feu, c'est un mot arabe aussi. C'est de l'arabe pur. Car les Arabes, ils appelaient la chose par son inverse. Ils appellent l'aveugle voyant. Ils appelaient l'aveugle l'a'ma. Ils ne disaient pas l'a'ma. Ils disaient le basir. Ils fuyaient le mauvais sens. Mais ils se comprennent entre eux. Quand ils disent d'un homme, c'est un basir, ils vont pas dire c'est un homme voyant. Il y en a là-bas, c'est que l'homme est voyant. Mais quand il dit c'est un homme voyant, ils veulent dire qu'il est aveugle. Donc ça se comprend. L'afia, le feu, il l'appelait l'afia. Alors que le feu, c'est pas l'afia, c'est l'inverse de l'afia. Dans le dunya et dans l'akhira. Le feu dans une maison, il la brûle. Et certains disent qu'ils appelaient le feu l'afia parce qu'ils l'adoraient. Parce qu'ils l'adoraient.